Luc chapitre 12. Cependant les troupes s'étant assemblées par milliers, en sorte qu'ils se foulaient les uns les autres, il se mit à dire à ses disciples, « Donnez-vous garde surtout du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Car il n'y a rien de caché, qui ne doive être révélé, ni rien de si secret, qui ne doive être connu. C'est pourquoi les choses que vous avez dites dans les ténèbres, seront oui dans la lumière, et ce dont vous avez parlé à l'oreille dans les chambres, sera prêché sur les maisons. Et je vous dis, à vous, mes amis, ne craignez point ceux qui tuent le corps, et qui après cela ne sauraient rien faire davantage. Mais je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui a la puissance, après qu'il a tué, d'envoyer dans la géhenne, oui, vous dis-je. Craignez celui-là. Ne donne-t-on pas 5 petits passereaux pour 2 pites, et cependant un seul d'eux n'est point oublié devant Dieu. Tous les cheveux même de votre tête sont comptés. Ne craignez donc point, vous valez mieux que beaucoup de passereaux. Or je vous dis, que quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais quiconque me reniera devant les hommes, il sera renié devant les anges de Dieu. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais à celui qui aura blasphémé contre le Saint-Esprit, il ne lui sera point pardonné. Et quand ils vous mèneront aux synagogues, et aux magistrats, et aux puissances, ne soyez point en peine comment, ou quelle chose vous répondrez, ou de ce que vous aurez à dire. Car le Saint-Esprit vous enseignera dans ce même instant ce qu'il faudra dire. Et quelqu'un de la troupe lui dit, « Maître, dis à mon frère, qu'il partage avec moi l'héritage. » Mais il lui répondit, « Ô homme, qui est-ce qui m'a établi sur vous pour être votre juge, et pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Voyez, et gardez-vous d'avarice, car encore que les biens abondent à quelqu'un, il n'a pourtant pas la vie par ses biens. » Et il leur dit cette parabole, « Les champs d'un homme riche avaient rapporté en abondance. » Et il pensait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai point de place où je puisse assembler mes fruits. » Puis il dit, « Voici ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, et j'en bâtirai de plus grands, et j'y assemblerai tous mes revenus, et mes biens. Puis je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens assemblés pour beaucoup d'années, repose-toi, mange, bois, et fais grande chair. » Mais Dieu lui dit, insensé, en cette même nuit ton âme te sera redemandée, et les choses que tu as préparées, à qui seront-elles? Il en est ainsi de celui qui fait de grands amas de biens pour soi-même, et qui n'est pas riche en Dieu. Alors il dit à ses disciples, à cause de cela je vous dis, ne soyez point en souci pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. L'habit est plus que la nourriture, et le corps est plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment, ni ne moissonnent, et ils n'ont point de cellier, ni de grenier, et cependant Dieu les nourrit. Combien valez-vous mieux que les oiseaux? Et qui est celui de vous qui par son souci puisse ajouter une coudée à sa stature? Si donc vous ne pouvez pas même ce qui est très petit, pourquoi êtes-vous en souci du reste? Considérez comment croissent les lits, ils ne travaillent, ni ne filent, et cependant je vous dis, que Salomon même, dans toute sa gloire, n'était point vêtu comme l'un d'eux. Que si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui au champ, et qui demain est mise au four, combien plus vous vêtira-t-il, aux gens de petite foi? Ne dites donc point, que mangerons-nous, ou, que boirons-nous? Et ne soyez point en suspens. Car ce sont les gens de ce monde qui recherchent toutes ces choses, mais votre Père sait que vous avez besoin de ces choses. Mais plutôt cherchez le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Vendez ce que vous avez, et donnez en l'aumône, faites-vous des bourses qui ne s'en vieillissent point, et un trésor dans les cieux, qui ne défaille jamais, d'où le lard n'approche point, et où la teigne ne gâte rien. Car où est votre trésor, là sera aussi votre cœur. Que vos reins soient sains, et vos lampes allumées, et soyez semblables aux serviteurs, qui attendent le maître quand il retournera des noces, afin que quand il viendra, et qu'il heurtera, il lui ouvre aussitôt. Bienheureux sont ces serviteurs que le maître trouvera veillant, quand il arrivera. En vérité, je vous dis, qu'il se scindra, et les fera mettre à table, et s'avançant il les servira. Que s'il arrive sur la seconde veille, ou sur la troisième, et qu'il les trouve ainsi veillants, Bienheureux sont ces serviteurs-là. Or sachez ceci, que si le père de famille savait à quelle heure le larron doit venir, il veillerait, et ne laisserait point percer sa maison. Vous donc aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous n'y penserez point. Et Pierre lui dit, Seigneur, dis-tu cette parabole pour nous, ou aussi pour tous? Et le Seigneur dit, qui est donc le dispensateur fidèle et prudent, que le maître aura établi sur toute la troupe de ses serviteurs, pour leur donner l'ordinaire dans le temps qu'il faut? Bienheureux est ce serviteur-là, que son maître trouvera faisant ainsi, quand il viendra. En vérité, je vous dis, qu'il l'établira sur tout ce qu'il a. Mais si ce serviteur l'a dit en son cœur, mon maître tarde longtemps à venir, et qu'il se met à battre les serviteurs et les servantes, et à manger, et à boire, et à s'enivrer. Le maître de ce serviteur viendra au jour qu'il ne l'attend point, et alors qu'il ne sait point, et il le séparera, et le mettra au rang des infidèles. Or le serviteur qui a connu la volonté de son maître, et qui ne s'est pas tenu prêt, et n'a point fait selon sa volonté, sera battu de plusieurs coups. Mais celui qui ne l'a point connu, et qui a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de moins de coups, car à chacun à qui il aura été beaucoup donné, il sera beaucoup redemandé, et à celui à qui il aura été beaucoup confié, il sera plus redemandé. Je suis venu mettre le feu en la terre, et que veux-je, s'il est déjà allumé? Or j'ai à être baptisé d'un baptême, et combien suis-je pressé jusqu'à ce qu'il soit accompli? Pensez-vous que je sois venu mettre la paix en la terre? Non, vous dis-je, mais plutôt la division. Car désormais ils seront cinq dans une maison, divisés, trois contre deux, et deux contre trois. Le père sera divisé contre le fils, et le fils contre le père, la mère contre la fille, et la fille contre la mère, la belle-mère contre sa belle-fille, et la belle-fille contre sa belle-mère. Puis il disait aux troupes, quand vous voyez une nuée qui se lève de l'Occident, vous dites d'abord, la pluie vient, et cela arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites qu'il fera chaud, et cela arrive. Hypocrite, vous savez bien discerner les apparences du ciel et de la terre, et comment ne discernez-vous point cette saison? Et pourquoi aussi ne reconnaissez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Or, quand tu vas au magistrat avec ta partie adverse, tâche en chemin d'en être délivré, de peur qu'elle ne te tire devant le juge, et que le juge ne te livre au sergent, et que le sergent ne te mette en prison. Je te dis, que tu ne sortiras point de là, jusqu'à ce que tu aies rendu la dernière pipe.